France Inter, franceinter.com. Quel crédit un dirigeant doit-il accorder à ses services de renseignement ? La question est d'actualité après le récent rapport des agences de renseignement américaines à propos du nucléaire iranien. George Bush, apparemment, a décidé de ne pas en tenir compte. Pourtant, c'est le même homme qui, en 2003, a décidé d'intervenir militairement en Irak sur la seule foi de ses services de renseignement. Mais il ne faut pas exclure le fait que ces services aient été sciemment abusés. Alors la question reste posée. Malgré ce rapport qui conclut à l'arrêt depuis 2003 du programme nucléaire militaire de Téhéran, les États-Unis attaqueront-ils l'Iran ? Pour certains experts, la question n'est même plus celle-là, mais bien plutôt celle-ci. Quand les États-Unis attaqueront-ils ? Bien sûr, il faut faire la part de la propagande et de l'épreuve de force tactique et psychologique qui se joue entre les deux pays. Mais George Bush nous a déjà donné la preuve en Irak et en Afghanistan qu'il n'hésitait pas à se lancer dans des guerres aussi hasardeuses que dangereuses. Et encore récemment, l'amiral Michael Mullen, nouveau chef d'état-major interarmé et militaire états-unien le plus gradé, a déclaré « Je n'exclurai jamais l'option militaire vis-à-vis de l'Iran ». D'ailleurs, pour ces mêmes experts, la guerre aurait déjà commencé. Une guerre secrète menée avec des opposants iraniens. Essentiellement, des actions de sabotage opérées par des commandos agissant à l'intérieur des frontières du pays. Une guerre, si Washington prenait le risque de l'entreprendre afin d'anéantir le potentiel nucléaire iranien, aurait à coup sûr des conséquences innombrables. Non seulement parce que toute la région, et peut-être même au-delà, serait déstabilisé, mais aussi parce que les plans militaires américains prévoient la possibilité d'utiliser des bombes atomiques tactiques. Seuls ces engins seraient en effet capables de détruire les installations nucléaires iraniennes profondément enterrées. Mais ce serait évidemment ouvrir la boîte de Pandore et briser un tabou. Monsieur X, qui a étudié ce dossier complexe, révèle quelques incroyables bévues de la CIA et essaie de répondre à cette autre question. Faut-il vraiment avoir peur de l'Iran ? Derrière les gesticulations menaçantes et caricaturales du président iranien Mahmoud Ahmadinejad et un obscurantisme religieux qui oblige la moitié de sa population à porter un tchador, se dissimule une véritable puissance régionale. Alors, une citation avant d'entendre M. X. Quelques lignes que j'ai trouvées dans un livre collectif paru en 2007 chez Fayard, « L'Iran » au XXe siècle, et qui présente ainsi l'ancienne Perse. 70 millions d'habitants, un vaste territoire confinant aux frontières de presque tous les États qui comptent dans la région, des richesses énergétiques exceptionnelles, des élites nombreuses, bien formées, une culture intellectuelle, artistique ou scientifique sans équivalent dans la région. Oh, yeah. L'Orient mystérieux vers lequel volait autrefois le général de Gaulle est devenu encore un peu plus complexe depuis l'intervention américaine en Irak. Un seul exemple, les relations entre l'Iran et les États-Unis, des relations exécrables depuis l'affaire des otages de l'ambassade américaine de Téhéran. Oui, ben, les États-Unis sont alors le grand Satan. Hein. Et ces relations s'enveniment encore un peu plus en 1995 lorsque la Maison-Blanche accuse les Iraniens d'avoir perpétré un attentat anti-américain en Arabie Saoudite. Puis vient un relatif apaisement avec l'élection à la présidence de la République iranienne de l'ayatollah Khatemi, qui met fin à l'exportation de la révolution islamique. Ça n'empêche pas George Bush, après les attentats du 11 septembre 2001, de ranger l'Iran dans la liste des États voyous. Ouais, l'axe du mal. Hein. Un pays accusé donc de soutenir des organisations terroristes. Et très opportunément, les Israéliens arraisonnent en pleine mer un cargo transportant des armes destinées au Hezbollah. Ouais, une organisation libanaise soutenue par l'Iran et qui approvisionnerait le Hamas. Et l'État hébreu, relayé par le lobby américain pro-israélien, donne une grande publicité à cette affaire. Le but étant, j'imagine, de détériorer encore un peu plus l'image de l'Iran à Washington. Bah, bien entendu, même si, il ne faut pas l'oublier, Israël a autrefois donné un sérieux coup de main aux ayatollahs. Pendant la guerre Iran-Irak. Oui, c'est par Israël que transitaient les armes américaines destinées à l'Iran. Enfin, passons. En 2002... Les Israéliens, qui sont informés par leurs amis états-uniens, savent très bien que tôt ou tard, Bush va s'en prendre à l'Irak. Mais Saddam Hussein éliminé, l'Iran deviendra alors leur plus grand ennemi dans la région. Alors, il faut donc préparer le terrain. Exactement. Et attiser le sentiment anti-iranien dans les sphères gouvernementales américaines. Bon, ça n'est d'ailleurs pas très difficile, tant le lobby israélien est proche des néoconservateurs américains, tels les numéros 2 et 3 du Pentagone. Paul Wolfowitz et Douglas Feth, des hommes qui préparent l'opinion à la future invasion de l'Irak, mais aussi de l'Iran. Ils prétendent par exemple que les Iraniens protègent des personnages importants de la nébuleuse Al-Qaïda. C'est faux ? Bien sûr, mais c'est une opération de désinformation qui repose sur une parcelle de vérité. De vérité, on m'a expliqué. Oh ben, y a bien des gens d'Al-Qaïda en Iran, dont un chef important. Cependant, ils ne sont pas protégés, mais détenus. Ah oui. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Vous n'ignorez pas que les ayatollahs n'ont pas de plus grands ennemis, à l'exception des Américains, bien entendu, que les talibans et les types d'Al-Qaïda. Pourquoi ? Bah, parce que ce sont des sunnites. Oui, alors que les Iraniens, eux, sont majoritairement chiites. Mmh. Mais attendez, d'où venaient ces membres de l'organisation de Ben Laden ? Fuyant l'offensive américaine en Afghanistan, ils ont été capturés à la frontière nord-est de l'Iran. Et Téhéran essaiera même un peu plus tard de les échanger contre des militants des Moudjahidines du peuple. Mais des opposants iraniens, partisans de la lutte armée. En effet. Et qui figurent sur la liste des organisations terroristes établies tant par les États-Unis que par les pays européens. Mais ça, c'est fini pour les Européens. Oh, enfin, toutefois, et assez paradoxalement, ces Moudjahidines ont noué des rapports étroits, bien que très discrets, avec les Américains. Mais si vous voulez, je vous parlerai un jour bien plus longuement de ces Moudjahidines. Mais dont un gros noyau est installé en France. Hein. Exact, à Auvers-sur-Oise. En tout cas, c'est un membre de leur organisation qui, en 2002, donne des détails apparemment très précis sur le développement du programme nucléaire clandestin de l'Iran. Et tout ça tombe très bien pour les faucons états-uniens, qui sont partisans hein, d'en découdre avec les Iraniens un jour ou l'autre. Hein. Étonné, je ne suis pas loin de penser que cette révélation explosive faisait partie d'un plan ourdi par le vice-président Dick Cheney. Le chef des Faucons de la Maison-Blanche. Ouais, un homme qui n'hésite pas à comparer l'Iran à l'Allemagne nazie. Bah, il faut bien reconnaître que, enfin, par certains côtés, quand on entend le président Ahmadinejad... Certes, mais Ahmadinejad, contrairement à ce que l'on croit en Occident, n'est pas tout-puissant. Il y a le guide suprême au-dessus de lui. Oui, c'est Ali Khamenei. Hein, oui, c'est lui, le successeur de Khomeini, qui est le numéro un du pays, en fonction de ce que les Iraniens appellent le Velaya Faqih, c'est-à-dire la prééminence du religieux sur le politique. Rien ne peut se décider sans Khamenei. Et ce dernier, quand il le juge bon, ne se prive pas de critiquer Ahmadinejad quand il va un peu trop loin. Alors, vous avez compris qu'en Iran, rien n'est vraiment simple, okay. Car il faudrait aussi parler des gardiens de la révolution. Les passes d'Aran. C'est ça. Et puis il y a encore le conseil des experts, dominé par un ancien président, Rafsanjani, un affairiste qui, lui, ne pense qu'à arrondir sa plotte. Alors, tous ces différents éléments du pouvoir tirent à Hu et à Dia. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut surtout se garder de simplifier. Par exemple, sous le règne de l'ancien président, Mohamed Khatami, on a noté, je vous l'ai dit, une volonté sincère de se rapprocher de l'Occident. Et puis parfois, le réalisme l'a emporté. À Téhéran, on ne pouvait que se réjouir de voir tomber l'ancien ennemi irakien Saddam Hussein. Sans compter que l'influence iranienne s'est renforcée aujourd'hui en Irak. Naturellement, puisque la majorité des Irakiens sont des chiites, tout comme les Iraniens. Et d'ailleurs, les chefs religieux chiites persécutés par le régime de Saddam Hussein avaient souvent trouvé refuge en Iran, quand ils n'étaient pas eux-mêmes d'authentiques Iraniens. Par conséquent, l'Iran est devenu un acteur incontournable de la scène irakienne. Ouais, pour le plus grand embarras des États-Unis. Si les Américains désirent un jour réellement rétablir la démocratie et la paix en Irak, bah ils devront, qu'ils le veuillent ou non, négocier avec Téhéran. Or, en même temps, au niveau international, les États-Unis sont le fer de lance des États hostiles à l'Iran. À cause de la bombe. Et de la prolifération nucléaire. Et en dehors de l'aide qu'ils accordent ponctuellement aux résistants iraniens, la Maison-Blanche a déjà engagé une opération de propagande très semblable à celle qui avait précédé l'invasion de l'Irak. Voilà, l'existence des fameuses ADM, là, les armes de destruction massive. Et des armes que Saddam Hussein avait effectivement développées et possédées, mais qu'il avait ensuite détruites à la demande des inspecteurs de l'ONU. Mais les faucons américains ont prétendu qu'elles existaient toujours et qu'elles menaçaient la sécurité des États-Unis. Ça, c'est décoïdement absurde. Hein. C'est bien sûr, oui, mais dans le climat de paranoïa qui a suivi le 11 septembre, la majorité silencieuse états-unienne était prête à avaler n'importe quoi, et en particulier l'idée que c'était Saddam Hussein qui avait commandité les attentats contre les tours du World Trade Center. Et étrangement, le même argument sert à nouveau. C'est l'Iran qui se trouve derrière tous les attentats qui ont frappé les États-Unis. D'ailleurs, Ben Laden se déplace en Iran comme il le veut. Mais qui propage ces mensonges ? Oh, des officines spécialisées et des auteurs qui répandent des visions apocalyptiques de l'avenir. L'un d'eux prétend par exemple que les Iraniens vont livrer une bombe atomique à Ben Laden. Une bombe que celui-ci fera exploser au cœur de New York. Tout cela, bien sûr, n'est pas sérieux. Mais lorsque la sortie de l'ouvrage de ce pseudo-écrivain est accompagnée de petits films multidiffusés sur les grandes chaînes de télévision, ces idées font peu à peu leur chemin dans l'opinion. Et de nombreux Américains en viennent à vraiment penser qu'il faudra attaquer préventivement l'Iran. D'accord, mais ce qui n'est pas de la propagande, c'est que l'Iran a soutenu réellement des organisations terroristes et essaie de développer ses capacités nucléaires avec la perspective de construire une bombe atomique. Hein. Bien entendu, comme l'ont fait Israël, l'Inde ou le Pakistan. Et alors, pourquoi pas nous, se disent les Iraniens ? Ben exactement, car les dirigeants états-uniens n'ont pas poussé des cris d'orfraie lorsque ces pays ont fait la preuve qu'ils possédaient la bombe. À l'exception d'Israël, qui n'a jamais admis être doté de l'arme nucléaire. Mais je vous l'ai déjà dit à de maintes reprises, c'est un secret de polichinelle. En tout cas, si l'Iran construit un jour prochain sa bombe, il le devra en partie aux Américains. Mais de cela, à Washington, on ne se vante évidemment pas. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. En attendant les révélations de M. X, quelques précisions sur ces propagandistes anti-iraniens, tels Jérôme Corsi, qui affirme que le régime terroriste iranien a acheté les politiciens américains. Ou encore Kenneth Timmerman, qui prétend que l'Iran a programmé les attentats du 11 septembre et que la CIA le savait pertinemment. Le grand reporter Éric Laurent s'est particulièrement intéressé à ce personnage et à son dernier ouvrage, Le compte à rebours de la crise. Et il écrit : J'ai d'abord été fasciné par la couverture. Ahmadinejad, le doigt levé, visage menaçant, est aux côtés du guide de la révolution qui visite un site de missiles entouré de militaires. Une vignette rouge placée juste dessous attire mon attention. Nominé au prix Nobel de la paix. Je pense d'abord qu'il s'agit d'un clin d'œil, d'une plaisanterie au second degré pour souligner le bellicisme des dirigeants iraniens. Puis je découvre l'effarante vérité. L'auteur, Kenneth Timmerman, se présente comme nominé au prix Nobel. Un terme qui n'a aucun sens. Le jury du Nobel choisit ou non parmi les multiples candidatures à cette distinction prestigieuse. Mais s'il existe un lauréat, il n'y a pas de nominé. Première entorse à la vérité qui, à la lecture, est suivie de beaucoup d'autres. Éric Laurent relate cette anecdote dans son récent livre « Bush, l'Iran et la bombe » publié par Plon. Expliquez-moi alors, pourquoi les Américains auraient-ils une responsabilité dans l'élaboration de la bombe atomique iranienne? Ah, c'est une histoire très étrange. Et vous, ordinairement, lorsque vous utilisez cette épithète étrange, c'est qu'il y a eu quelque part un coup fourré, hein, ou une manipulation. C'est vrai. Bon, ouais. En l'occurrence, il s'agit plutôt d'une bourde. Et une bourde gigantesque. Racontez. Hein. La question de la dissémination nucléaire préoccupe les États-Unis en particulier, et l'Occident en général, depuis la fin de la guerre froide, et surtout l'implosion de l'Empire soviétique. À cause de la présence d'armes nucléaires dans les pays qui viennent de se détacher de la Russie. Évidemment, au milieu du chaos généralisé qui prévaut à l'Est, il faut à tout prix éviter que des têtes nucléaires soient dérobées ou même vendues par des dirigeants peu scrupuleux. Vendues à des États ou des organisations terroristes. Bien sûr. Et dans le même état d'esprit, il convient aussi d'empêcher une fuite des cerveaux. Des savants atomistes. Des ingénieurs et chercheurs qui pourraient être tentés de se mettre au service d'autres pays. Contre-monnaie sonnante et trébuchante. Et c'était d'autant plus vraisemblable que ces anciens privilégiés de la nomenclatura avaient vu leur salaire fondre comme neige au soleil. Et devant toutes ces menaces, deux sénateurs états-uniens, Noon et Lugar, proches de la CIA, ont élaboré un programme de coopération avec les ex-républiques soviétiques. Il s'agissait d'abord d'aider ces pays à démanteler les armes nucléaires positionnées sur leur territoire. Et ensuite, de conclure des accords de reconversion pour les savants. Et c'est ainsi que des chercheurs russes se sont retrouvés à Los Alamos. Le centre de recherche où ont été élaborées les premières bombes américaines. C'est cela, oui. Au fond, c'est assez amusant quand on songe que les soviétiques n'ont eu de cesse d'essayer de pénétrer les secrets nucléaires de Los Alamos. Bon, quoi qu'il en soit, ces savants russes, pris en charge par la CIA, ont été accueillis douillettement là-bas. Salaire confortable, maison et nationalité américaine, rien ne leur a été refusé. Et c'est l'histoire de l'un de ces chercheurs que je voudrais vous raconter. Son nom ? Ah, désolé, mais je ne le connais pas. Je sais simplement que l'opération à laquelle il a été mêlé a reçu le nom de code Merlin. Merlin, le magicien de la légende arthurienne. Alors pour simplifier, appelons-le Merlin. Un jour de la fin des années 90, notre Merlin est contacté par un agent de la CIA qui désire lui confier une mission. Et il lui est difficile de refuser, j'imagine. Après tout ce que les Américains ont fait pour lui, naturellement. Et cette mission, là ? Il faut essayer de savoir où en est le programme nucléaire iranien. Allez, rien que ça, là. Et comment pourrait faire ce savant ? C'est pas un agent secret, lui. Vous avez parfaitement raison, mais les brillants cerveaux de la CIA ont un plan. Et voilà le scénario qu'il propose à Merlin. Le Russe, feignant d'être un savant cupide, prêt à vendre son âme pour une poignée de dollars, prend contact avec les Iraniens. sans parler bien sûr du fait qu'il est désormais pris en charge par les Américains. Il leur proposera de les aider en leur fournissant des plans. Ouais, les plans de fabrication d'une bombe atomique ? Oui, mais évidemment Merlin est effaré. Mais on lui dit, ne vous inquiétez pas, ils connaissent déjà certainement ce que vous allez leur offrir. C'est simplement pour tester leur niveau. Et on lui donne effectivement une liasse de documents. Merlin les examine rapidement. Et aussitôt, il détecte quelques erreurs grossières qu'il signale à ses interlocuteurs de la CIA. Mais, encore une fois, on lui dit de ne pas s'inquiéter. Le paquet doit être remis tel quel. Il faut quand même m'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? Je vous explique. Les Américains ont imaginé qu'en donnant de fausses informations aux savants iraniens, ils allaient les égarer, les engager sur de fausses pistes qui retarderaient durablement leurs travaux. Et pardonnez-moi, mais ça me semble quand même assez tordu. Hein. Ah ben, je suis d'accord avec vous, et ça turlupine également Merlin. Enfin, n'allons pas trop vite. Forcément. Oui. Bon, le Russe doit se rendre à Vienne. Vienne, le siège de l'AIEA, l'Organisation Internationale de Contrôle de l'Énergie Atomique, mm-hmm. C'est ça. Les Iraniens doivent certainement y entretenir une délégation. Bah oui. Et Merlin pourra y déposer son paquet de documents. Livré à lui-même, pour ne pas éveiller les soupçons, et conscient qu'il accomplit une tâche dangereuse, le savant patauge un peu. C'est-à-dire ? Ben, il peine à trouver les modestes bureaux de cette délégation. Et puis, il y a cette inquiétude qui ronge. En remettant ses plans truqués, il prend des risques. Si les Iraniens découvrent le poteau rose, ils peuvent être tentés de se venger. De se venger sur lui. Oui, ah, et puis, ouais. Il a sa fierté, cet homme. Il ne veut pas passer pour un abruti aux yeux de ses collègues iraniens. Alors, il prend une décision inouïe. Certes, il va remettre le paquet, mais il y joindra une lettre conseillant aux Iraniens de se méfier. Mais attendez, ce faisant, là, il fiche en l'air l'opération de la CIA. Eh oui, mais c'est plus fort que lui. Alors, quand enfin il découvre l'adresse de la délégation, Merlin glisse le paquet et son message dans la boîte à lettres et il quitte Vienne le plus vite possible sans essayer de prendre contact avec les Iraniens. Il retourne aux États-Unis. Bien sûr. Mm-hmm. Et il dit la vérité ? Absolument. Alors la suite ? Eh ben, je ne sais pas trop. Mais ce qui est presque certain, c'est que les Iraniens, dûment avertis des pièges qui se trouvaient dans les plans, ont quand même reçu des documents par ailleurs très précieux. Et ils ont trié, quoi. C'est ça. Et ça leur a permis d'avancer ? Ah ben, sans doute, c'est pourquoi je vous ai parlé de bourdes. Une énorme bourde. En effet, et ce n'est pas fini. Plus tard, en 2005, quelques néo-conservateurs républicains très bien introduits dans le milieu du renseignement prennent une curieuse initiative. Leur objectif, c'est de justifier la politique de Bush et sa décision d'intervenir en Irak. Une politique de plus en plus critiquée aux États-Unis. Par conséquent, ces gens veulent prouver que l'Irak représentait vraiment un danger. Que font-ils, là ? Ben, ils créent un site internet où ils publient des informations sur les recherches irakiennes en matière d'armes de destruction massive. Et ils reproduisent en particulier des schémas très détaillés sur la fabrication de la bombe atomique. Mais attendez, ces documents, où les ont-ils trouvés là ? Oh, bon, ils ont sans doute été raflés dans les archives irakiennes et transmis à la CIA. En tout cas, à partir de là, n'importe qui peut consulter ce site internet et donc accéder à ces recettes nucléaires. Exactement. Et un journal, le New York Times, je crois, révèle l'information et s'étonne. Aussitôt, l'administration états-unienne se rend compte qu'il s'agit là d'une considérable et inquiétante bévue. Et elle ordonne la fermeture immédiate de ce site. Mais il n'empêche que pendant un certain temps, d'importants secrets nucléaires ont circulé librement sur la toile. J'ajoute, pour être tout à fait juste, que le grand Manitou des services secrets américains, John Negroponte... L'homme chargé de les coordonner, hein ? À la suite des errements qui ont précédé le 11 septembre, oui. Donc, Negroponte, informé de l'initiative de ses partisans de Bush, avait tout fait pour faire capoter ce projet. Mais ses auteurs avaient l'oreille de personnages influents à la Maison Blanche et ils l'ont emporté. Ben, décidément. Hein. Comme vous dites, oui. Alors, encore un mot sur ces bourdes à répétition. En mars 2004, l'officier traitant des agents de la CIA opérant en Iran fait une tragique erreur de manipulation. En envoyant un message crypté à ses espions, il se trompe de fichier. En réalité, ce qu'il transmet, c'est un document où figure l'identité de tous les membres iraniens du réseau. Or, parmi eux, il y a une taupe. Ouais, un agent double. Oui. Et immédiatement, ce type avertit ses employeurs iraniens. Tous les espions sont arrêtés. Et après avoir été interrogés et sans doute torturés, ils ont été pour la plupart exécutés. Conséquence immédiate, la CIA est désormais sourde et aveugle en Iran. Et ça arrive au pire moment. Pourquoi, là ? Bah, essentiellement parce que les Américains n'ont plus d'informations sur l'état d'avancement des travaux nucléaires des Iraniens. Or, C'est cette question qui les préoccupe au premier chef. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. James Risen, grand reporter au New York Times, a été le premier à rendre compte des multiples bavures de la CIA dans l'affaire iranienne. Comme il avait déjà été le premier à dénoncer la surveillance illégale de ses concitoyens par les agences de renseignement. Dans son livre État de guerre, histoire secrète de la CIA et de l'administration Bush, publié en France par Albin Michel, il remonte à la genèse de l'opération Merlin, c'est-à-dire aux objectifs poursuivis par la CIA. Sur le papier, cette opération était censée mettre un terme au développement du programme nucléaire de Téhéran en orientant les experts iraniens dans une mauvaise direction. La CIA pensait que, dès que les Iraniens seraient en possession des plans et les auraient étudiés, il les jugerait utilisables et commencerait aussitôt la fabrication d'une bombe atomique en se basant sur ses plans erronés. Par la suite, Téhéran aurait une immense surprise quand ses scientifiques essaieraient de faire exploser leur nouvelle bombe. Au lieu d'observer un nuage en forme de champignon, ils assisteraient à un décevant ratage. Le programme nucléaire iranien pâtirait de cet échec humiliant et l'Iran devrait attendre encore plusieurs années avant de devenir une puissance nucléaire. Entre-temps, en étudiant la réaction de l'Iran face au plan, la CIA récolterait une profusion d'informations sur l'état d'avancement du programme nucléaire iranien. Est-ce que les bourdes de la CIA, là, dont vous venez de parler, n'expliquent pas en partie le recours à la propagande anti-iranienne ? Vous voulez dire que, faute d'informations, l'administration de Bush aurait recours à la désinformation ? Oui, vous avez sans doute raison, mais ça n'explique pas tout. Non. Il existe vraiment dans l'administration américaine une volonté de diaboliser l'Iran. Comme on avait auparavant diabolisé l'Irak de Saddam Hussein. Il faut bien le dire. Et l'Irak et l'Iran ont tout fait pour se faire diaboliser. Saddam Hussein, en persécutant sa propre population, et aujourd'hui Mahmoud Ahmadinejad, en multipliant les déclarations provocatrices et antisémites. Alors, Ahmadinejad ferait le jeu des néoconservateurs américains. Et du lobby israélien. Et je ne sais plus qui a écrit que Dick Cheney et Mahmoud Ahmadinejad étaient en quelque sorte des jumeaux. Des jumeaux séparés à la naissance. Cheney, le vice-président états-unien. Et le partisan le plus acharné d'une action armée préventive contre l'Iran. Et tous deux, l'Américain et l'Iranien, forment en effet un très dangereux partenariat. Alors, à partir de là, il faut se poser deux questions. La première, qui vient tout de suite à l'esprit, c'est où en est exactement la recherche nucléaire en Iran ? Et donc, la construction éventuelle d'une bombe. Et la deuxième question, là ? Parallèlement, l'hypothèse d'une guerre contre l'Iran est-elle sérieuse ? Et dans ce cas, qu'en est-il des préparatifs militaires américains ? Alors, prenons dans l'ordre, hein, la bombe iranienne d'abord. D'accord. Historiquement, c'est en 1967 que le premier réacteur nucléaire iranien entre en fonctionnement. Dans le but de produire de l'électricité. Hein. Mmh. Pourtant, l'Iran, riche de ses gisements de pétrole, dispose de suffisamment de ressources énergétiques. Hein. Certes, mais le Shah veut diriger son pays à marche forcée vers la modernité. Pour lui, le pétrole n'étant pas éternel, ça passe aussi par le nucléaire. Sous contrôle de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. D'ailleurs, l'Iran a signé le traité de non-prolifération. Un peu plus tard, au milieu des années 70, les autorités iraniennes lancent un programme nucléaire de 20 ans qui prévoit la construction d'une bonne vingtaine de réacteurs. Et le Shah fait appel aux technologies états-uniennes, mais aussi allemandes et françaises. Et c'est à cette époque qu'il signe avec notre pays le fameux contrat EuroDIF. Hein. Et qui nous vaudra tant de déboires. Ouais, et de nombreux attentats. Bah, vous connaissez l'histoire, alors bon, inutile d'y revenir. Ouais. Et l'Iran du Shah, hein, n'a pas d'ambition nucléaire militaire ? Bah, le Shah s'y intéresse, forcément, d'autant qu'il sait que son voisin et ennemi irakien essaie à tout prix de se doter de l'arme atomique. Avec l'aide de la France. Hein. Et le souverain iranien s'y intéresse, d'autant plus que des gisements d'uranium sont découverts dans son pays et que grâce au contrat EuroDIF, il pourra obtenir du plutonium. Mais le dernier premier ministre du Shah, Shapour Bakhtiar, interrompt le programme nucléaire. Et bientôt, le souverain va devoir abandonner le pouvoir à l'ayatollah Khomeini. Et celui-ci, alors ? Mais il ne relance pas, essentiellement pour des questions budgétaires. Mais un peu plus tard, alors que la guerre avec l'Irak s'éternise, certains mollahs changent d'avis. Et dès cette époque, des contacts sont pris avec le Pakistan. Ouais, le trop célèbre Dr Khan. Oui, ce chercheur se rend même en Iran à plusieurs reprises. Et des contrats de coopération seront signés dans les années 90. Il ne fait alors nul doute que si l'Iran progresse dans sa technique d'enrichissement de l'uranium, elle le doit à Khan. Khan et ses centrifugeuses. D'autre part, Russes et Chinois sont aussi invités à coopérer. Oui, mais dans le domaine du nucléaire civil. Ben, vous savez bien qu'il existe des passerelles entre le civil et le militaire. Une centrale civile, dans certaines conditions, peut créer du combustible nucléaire propre à confectionner une bombe. Enfin, je vais vite. Ben, vous m'étonnez, là. Bon, écoutez, je ne relève pas. Si les Iraniens sont bien décidés à avoir accès au nucléaire militaire, c'est aussi parce que leur environnement a changé. Dans les années 2000, ils ont vraiment l'impression d'être encerclés par les forces américaines qui sont déployées en Afghanistan, en Irak et dans les Émirats, et aussi en Arabie Saoudite. Et puis, tous ces porte-avions états-uniens qui croisent dans le Golfe. Hein. Et ajoutez à cela les sanctions internationales prises à cause du refus de l'Iran de cesser ses activités d'enrichissement d'uranium. Les ayatollahs ont le sentiment d'être cernés. Ça veut dire que vous les comprenez, hein ? Ah ben, ça ne signifie nullement que je les approuve. Ouais, en tout cas, vous n'avez pas répondu à la question la plus importante. Les Iraniens veulent-ils vraiment construire leurs bombes ? Et si oui, ben, dans combien de temps sera-t-elle opérationnelle ? Je vous fais d'abord remarquer que le dernier rapport établi par Mohamed El-Baradei, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, rendu public en novembre 2007, est très ambigu. D'un côté, il évoque des progrès substantiels dans la coopération avec les autorités de Téhéran, mais d'un autre côté, il souligne que désormais les savants iraniens disposent d'un parc de 3000 centrifugeuses, ce qui en théorie du moins leur permet de fabriquer en un an assez de matière fissile pour créer leur première bombe. Ce qui est en contradiction avec cet autre rapport des services de renseignement états-uniens qui affirme que les Iraniens auraient mis fin à leur programme nucléaire militaire à la fin 2003. Certes. Mais on peut avoir des doutes. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, les Américains ne disposent plus de sources d'informations crédibles en Iran. Oui, mais votre opinion à vous, là, enfin, d'après les informations que vous possédez, quand l'Iran aura-t-il la bombe ? Le délai d'un an me paraît beaucoup trop court, parce qu'il n'y a pas que la quantité de matière fissile nécessaire, il y a aussi le détonateur. Et puis, on ne sait pas si ces centrifugeuses travaillent à plein régime et en même temps. Et étant donné le secret qui entoure toutes les activités nucléaires iraniennes, on n'est pas prêt de le savoir. C'est d'ailleurs ce secret rigoureux qui renforce les soupçons et alimente les fantasmes de ceux qui sont réellement prêts à en découdre, y compris en utilisant des armes nucléaires. Alors oui, un jour ou l'autre, l'Iran aura la bombe. Mais quand, ça je ne sais pas. Ouais, voilà, modeste pour une fois. Hein. Moi je vous en prie. Mais je reviens sur ce que vous venez de dire là. Votre quasi-certitude que l'Iran aura un jour la bombe. Ne peut-on pas espérer que les inspections de l'AIEA finiront par avoir raison de l'entêtement iranien ? On ne peut que le souhaiter, mais il faudrait aussi que les savants iraniens mettent fin à leur activité sur au moins deux sites qui n'ont aucune utilité dans la production d'électricité. Or, contre toute raison, Téhéran s'accroche à l'argument qui consiste à proclamer que sa seule ambition nucléaire, c'est la production d'électricité. Et ces sites-là ? À Natanz, au sud-est de Téhéran, se trouvent donc ces centrifugeuses qui fabriquent l'uranium enrichi. Or, pour faire tourner des réacteurs civils, on n'a pas besoin d'un enrichissement à 90%. L'autre site est celui d'Arak. Il comprend un réacteur à eau lourde où l'on peut produire un plutonium très pur. Qui peut servir à fabriquer une bombe atomique. Hein. 5 kilos suffisent. Par conséquent, tant que les Iraniens n'auront pas abandonné réellement ces activités, on pourra continuer à les soupçonner. Alors maintenant, du côté américain, est-ce qu'on est prêt à attaquer ? Dès la fin de 2002 ou le début de 2003, le président Bush signe un document ultra-secret autorisant des frappes préventives contre la Corée du Nord ou l'Iran. Avec l'usage de bombes atomiques. Oui, des bombes nucléaires tactiques capables d'atteindre des bunkers ou d'autres cibles profondément enterrées. Par conséquent, les plans élaborés pendant la guerre froide sont complètement modifiés en fonction de ces nouveaux objectifs définis par la Maison-Blanche. Un tout petit peu plus tard, au début 2005, le Pentagone informe Bush que les nouveaux plans sont opérationnels. Et Donald Rumsfeld, secrétaire à la Défense, demande aux forces armées de se tenir prêtes à attaquer des États hostiles qui développeraient des programmes d'armes de destruction massive. Ouais, ils sont visés forcément les pays de l'axe du mal. Hein. L'Iran et la Corée du Nord, puisque l'Irak a déjà été neutralisé. J'ajoute, c'est assez affolant, que les stratèges du Pentagone considèrent alors que l'utilisation de ces bombes atomiques tactiques ne constituerait pas un réel danger pour les populations résidant à proximité des cibles. Ouais, des bombes propres, en somme. C'est en effet ce que veulent faire croire les militaires. En tout cas, et il s'agit d'une vraie révolution, l'arme atomique n'apparaît plus comme l'ultime recours. Ouais, une conception qui sous-tendait la théorie de la dissuasion. Hein, non, ouais. Désormais, elle est considérée par les Américains comme une arme semblable aux autres. Mm-hmm. Et ça peut entraîner, là, n'importe quelle dérive. Hein. De la part des États-Unis ou d'autres pays qui pourraient être tentés de les imiter ou de prendre eux-mêmes une telle initiative. Et au Pentagone, on n'en reste pas au niveau de la théorie. Les chefs de l'US Air Force établissent des plans d'attaque contre l'Iran. Ouais, malgré, c'est vous qui l'avez dit, hein, le manque d'informations précises. Il y a quand même eu des repérages aériens. Quoi qu'il en soit, les bombardiers, les sous-marins stratégiques sont prêts. Il suffit que la Maison-Blanche donne son feu vert et une terrible puissance de feu s'abattra sur l'Iran. Y compris le feu nucléaire. Donc. Parfaitement. Alors, il reste une seule inconnue. Bush, qui se trouve en fin de mandat. Osera-t-il déclencher l'apocalypse ? À samedi prochain, et je n'oublie pas que M. X a promis de me parler un jour des Moudjahidines du peuple et des curieuses relations que ces terroristes, ainsi sont-ils toujours désignés par les instances internationales, entretiennent avec les Américains. Je vous recommande enfin l'excellent ouvrage de Philippe Droz-Vincent, paru récemment à la Découverte, Vertige de la puissance, le moment américain au Moyen-Orient, ainsi que le hors-série du Monde 2, consacré à la poudrière du Proche-Orient. <t'-> Je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pouvez réécouter cette émission et même des programmes un peu plus anciens. Et puis, merci à Michel Billoux, Rebecca de Nantes, Monsieur Djoub.